Évaluation des titres non cotés. L'évaluation des titres non cotés doit s'appuyer prioritairement sur la comparaison avec des transactions récentes intervenues sur des titres de la même société. Cela étant rappelé, le Conseil d'État juge que cette méthode par comparaison ne peut pas être combinée avec les méthodes alternatives subsidiaires qui sont également acceptées comme, par exemple, la valeur mathématique, la valeur de rendement ou de productivité, ou encore les flux futurs de trésorerie actualisés. Oui, et autrement dit, pour l'administration, il n'y a pas de combinaison possible. C'est soit prioritairement la méthode par comparaison si elle est pertinente, et l'administration est alors fondée à opposer les prix qui ont été stipulés dans les transactions invoquées. Soit, si elle n'est pas pertinente, l'administration doit recourir aux méthodes subsidiaires pour motiver les rectifications qu'elle entend opérer.